La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. Bon, on y va. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Bonjour. Claude, tu veux nous parler de filaments, de filets de pêche. Comment choisir ça? De monofilaments, c'est-à-dire les fils de pêche, ça s'appelle du monofilament. On a deux types de fils de pêche. Au début, on avait uniquement ce qu'on appelait le monofilament comme tel, qui est un fil de plastique pré-étiré que tout le monde connaît sous le nom de trilène. Donc, on achète du trilène ou on achète du strène, ça c'est du monofilament. Et depuis quelques années, on a ce qu'on appelle des monofilaments tissés ou tressés, des lignes tressées. Donc, on disait, vous pouvez prendre du monofilament de grosseur 6 livres, ça a une résistance de 30 livres. Le seul problème, c'est que tout le monde a pris ça pour du cash, puis là, on s'est mis à casser des cannes, parce que sur les cannes à pêche, c'est bien marqué, juste en haut de la poignée, il y a un paquet de petits chiffres, et ça, c'est bien marqué que la canne peut résister à des monofilaments jusqu'à 14 livres. Okay. Donc, si on met un monofilament qui résiste à 30 livres puis qu'on veut traîner un gros poisson, il y a quelque chose qu'il faut qu'il casse à quelque part. Puis, dorénavant, c'est plus le monofilament qui casse, mais bien la ligne de pêche. Donc, les gens qui vont pêcher avec du fil tressé, faites attention à vos anneaux de canne à pêche parce que ça use prématurément les anneaux de canne à pêche. Les gens qui sont pas capables de faire un nœud palomar, puis ça, je suis pas capable de te l'expliquer à radio, ça s'explique pas. Il faut qu'on regarde sur Internet pour savoir comment on fait un nœud palomar, P-A-L-O-M-A-R. Et à ce moment-là, quand on va faire un bon nœud, c'est une ligne qui est bonne. Sauf que quand on veut pêcher le doré, comme dans votre secteur, vous autres, vous avez beaucoup de doré. Oui. Ben, les 20 derniers pieds, moi, je dis toujours, les 20 derniers pieds, on devrait les mettre en monofilament transparent. Parce que les lignes tressées, ce sont des lignes qui sont très visibles dans l'eau et le doré les voit. Donc, on peut pas mettre ça directement après un jig. Il faut qu'entre le jig et la ligne tressée, on aille au moins entre 10 et 20 pieds de monofilament clair pour pas que le poisson le voit. Okay. On a eu aussi beaucoup de lignes avec des couleurs dedans. Faites attention, c'est le même principe. La ligne que le doré va voir, il viendra pas. Donc, du monofilament fluo, c'est bien le fun parce que toi puis les beaux-frères le voient, mais le poisson aussi le voit dans l'eau. Donc, entre le monofilament de couleur et ton jig, tu dois avoir obligatoirement du monofilament conventionnel, c'est-à-dire un monofilament clair. Okay. Donc, là-dedans, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de grande qualité. C'est tous des monofilaments qui sont bons, sauf qu'un monofilament, il faudrait qu'on le change. Et là, je sais que les gens vont faire des sauts. Il y en a qui vont changer ça une fois par année. Mm. Moi, je change ça à tous les voyages de pêche. Okay. Du moment que monofilament, ça l'est tiré, du moment qu'on s'est accroché au fond et qu'on a tiré là-dessus, ça se rend friable, ça devient cassant. Et quand vous aurez la prise de votre vie et vous allez la perdre parce que le monofilament va casser, ça sera bien de votre faute, je vous aurai averti. Excuse-moi une seconde. Il est bien évident que le monofilament, on garde jamais ça dans le coffre de l'auto. Comme tout le monde fait, ils préparent le canne, ils mettent ça dans le coffre, ils disent, quand on va aller à la pêche, on va être prêt, tout va être dans le coffre. Les monofilaments ne résistent très, très peu à la chaleur. Donc, on est mieux de garder toutes nos bobines de monofilaments à la noirceur puis au frais. Il y a bien des gens qui le gardent même au congélateur, ça change rien, mais au moins, ça va garder le monofilament plus longtemps. Donc, les gens, ils pensent qu'ils peuvent changer de ligne une fois par année, mais ils ont des problèmes pendant toute la saison. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, moi, j'achète des lignes tissées, parce qu'une ligne tissée, ça, t'es pas obligé de la changer, puis ça vrille pas. Mmh. C'est vrai, il faut mettre un bout de monofilament clair avant notre leurre, parce que sans ça, les poissons vont les voir, surtout le doré. OK. Ça fait le tour pour ce sujet? Ça fait le tour pour ce sujet, mon ami. On s'en reparle vendredi prochain. Merci, mon ami. C'est la chronique de pêche de Claude Roy.